côté à Osmarcillon, vous connaissez? Voilà, oui, c'était à côté, un village à côté, où on avait des petites fermes, quoi. Et une petite ferme avec des vaches, un peu de tout, quoi, pour des vaches, des cochons, des poules, des canards, des oies, puis le potager, enfin, on faisait un peu de tout, quoi, une ferme polyvalente, c'est ça, voilà. Parce que quand j'ai voulu commencer d'apprendre chez Pigier, maman n'a rien trouvé de mieux que de tomber d'en haut de la grange, se briser le talon, alors je ne pouvais pas laisser papa qui avait une très petite santé, et mon frère, je suis restée, après c'était trop tard parce que j'avais une copine qui m'avait dit si tu sais taper à la machine, moi je, et la sténo, à l'époque c'était, moi je te fais rentrer à la CNPA. Mais j'ai pas pu. Après, je suis au décès de mon frère, j'ai travaillé à Carrefour Market, oui. Et bien, il n'y avait pas de construction encore à Morinx, quoi, au début. Alors, les gens venaient dans le village, quoi, partout à côté, partout. Ouais, ça faisait des sous. Pour travailler, parce que c'était de bons salaires, voilà. On pensait même que ça n'allait pas continuer, on pensait que. Que c'était un coup comme ça, puis que c'était pour jeter de la poudre aux yeux un peu. Oui, nous, ici, on avait des touillas, vous savez, où il y a des touillas, c'est où pousse la fougère, la tuie, en général, on faisait la litière des vaches avec. Alors, on avait un terrain très, très en pente, c'était où était, c'est le, comment on a appelé là, tout à fait en haut. Le belvédère. Belvédère, c'était là qu'on avait un touillas. Croyez-le, celui-là, on a été très heureux de le vendre parce que quand on a allé chercher de la fougère, enfin de la tuie, on était obligé de, comme c'était tellement en pente, de faire un grand trou pour y mettre une roue pour que la charrette soit d'aplomb et descendre après la tuie. Enfin, et avec les vaches, moi j'étais morte de peur, ça ne me plaisait pas. Hein. Parce qu'au début qu'il y avait la SNP ici, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas encore le tracteur. Ils avaient des petits ponies pour commencer, puis après, bon, on s'est mis à... voilà. Puis ça a été oui, sur la rue, il y en a qui disaient que les Béarnais n'étaient pas accueillants, mais bien sûr, il faut s'imaginer, on avait des petites fermes, voilà, tous ces gens qui arrivaient, qui, voilà, ça nous a un peu stabilisés. Mais il y en a beaucoup du village aussi qui sont partis travailler là-bas. Parce qu'autrement, il aurait fallu qu'ils partent, je ne sais pas, s'engager ou bien partir, je ne sais pas. Qu'ils n'avaient pas de métier. Hein. Alors, ils étaient souvent domestiques chez des grands paysans, mais pas par ici. Il fallait qu'ils aillent du côté de Monin, tout ça, pour travailler, pour gagner leur vie, quoi. Alors, ils ont été heureux de... souvent, les cadets sont partis pour travailler à la SNPA, les aînés sont restés pour travailler à la maison. Et alors, il y avait des paysans ici, il y avait Ramonteux de Monin, vous n'en avez pas... C'est un très gros paysan, maintenant, oui. Il a vendu sa propriété, il a pu s'acheter une propriété beaucoup, beaucoup plus belle. Il a du vin, du maïs, de tout, quoi. Puis il avait acheté des appartements à Pau, tout ça. Ça avait été un autre paysan aussi qui avait acheté à Sapourenge une propriété. Ici, il avait beaucoup plus petite. Oui, ça avait été un peu la poule aux œufs d'or, hein. Ils ont fait beaucoup de canalisations, de creuser, mais dans des endroits, ils nous ont laissé les terrains dans un très mauvais état, avec des gros cailloux comme ça. Alors, on les avait ramassés, on en avait ramassé des cailloux incroyables. Parce que quand on y allait avec les charrues, on se tordait toutes les charrues avec ces gros cailloux. Ils étaient énormes, parce qu'ils avaient fait des grosses tranchées. Je ne sais plus pourquoi c'était des gros. Tout, c'est cool. Alors, les cailloux qui étaient sur le bas... Ah oui, ça semblait très bien, mais ils les avaient remis, c'était en haut et la bonne terre était en bas, alors c'était pas pareil. Hein. Ça pas été, on ne savait pas se défendre au début, on ne savait pas. Après ça a changé, même ils nous avaient laissé à nous un champ et l'eau stagnait là-dedans. Alors on avait refusé de signer, j'avais écrit même. On m'avait dit, mais tous les autres ont signé, Si vous ne voulez pas signer, ça n'a pas d'importance. Vous n'allez rien avoir de plus, c'est ça, vous n'en aurez rien du tout. Alors, il avait fallu accepter. Et puis, ça cramait beaucoup, beaucoup de choses. Nous avions les piscinés qui venaient pour voir les dents, il y avait des contrôleurs, pour venir voir les dents des vaches, parce qu'elles étaient d'abord pas cagées. Et puis, la CNPA aussi, c'était tout brûlé, les herbes étaient brûlées. Ils venaient pour constater. Les jardins aussi, c'était... Alors, les vaches avaient une diarrhée incroyable. Hein. Ah oui, ça, c'était pas rigolo au début. Hein. De packager cette herbe brûlée avec du gaz, avec... Parce que même maintenant, il y en a peut-être qui s'échappent, mais à l'époque, il y en avait aussi. Hein. Nous avons été servis avec le gaz. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait? Ça sentait tous ceux qui venaient, qui n'étaient pas de par ici. Mon Dieu, que ça sent mauvais chez vous, que ça sent mauvais. Ce gaz qu'on sentait partout. Mais ils ne voulaient pas payer, ça nous ennuyait pas. Ça se comprend, vous aviez un champ comme ça. Un pipeline passait comme ça. Vous aviez un bout de terre ici et un autre bout là. C'était pas intéressant, vous payez là, mais le reste... Et si vous mettez des cailloux ou non, c'est... Enfin, quand on avait vendu, comme ici, le touya qu'on avait vendu, là, oui, ça, c'était intéressant. Autrement, non. Voilà, des fois aussi pour le marché. Il y en a qui venaient pour le marché, pour vendre des œufs, pour vendre de la volaille, tout ça. Voilà. Il y avait beaucoup plus de commerce qu'à présent. Hein. Il y avait beaucoup de choses, mon ringue, hein. Des photographes, de tout, puisque les gens s'installaient, c'était l'époque. Maintenant, on trouve beaucoup de vieillards, enfin, de personnes âgées, ici. Mais à l'époque, je me rappelle, il n'y avait que des jeunes, hein. Les couples, il y avait, quand on voyait quelqu'un d'âgé, ça faisait drôle, parce qu'il n'y en avait pas. C'était le papa et la maman qui venaient des fois voir leurs enfants, autrement, voilà. Je préférais mon village avant, hein. Ah oui, de beaucoup. Il y avait des petits chemins, il y avait dans ces petits chemins, des champs. Mais c'était très joli, c'était... Mmh. Il y avait des champs partout, quoi, des champs. Alors on voyait des troupeaux de vaches, plus que de poules dans les prés, des canards, tout ça, un peu de tout, voilà. C'était la campagne.